animales. Passe un public à fond de fil de cuivre de silicone. Écoute, écoute le bruissement du béton. Et de démon. Entre animaculé et araignée, faisant des gestes désarticulés. Ah, murmure, la vibration de l'acier. Respire l'esprit de la nuit. J'y cherche des mavres écarlates pour y croasser assis sur des nénuphars moites. Des éponges acariâtres rugit des poules saumâtres. Il lit la trace des sarmates.